Bien, au nom de la municipalité, André, ben, je suis très content de le retrouver et de retrouver aussi Evelyne. Ça fait un certain temps qu'on ne s'était pas vu. Et maintenant, je pense qu'on va avoir une autre vision de Posevet. On va dire, en gros, pas loin de 40 ans après. Alors Bernard, c'est à toi maintenant, le maître d'œuvre. Hein.